Twitter. Et les gamins, vous avez pas fini? Non, je refais. Eh les gamins, vous avez pas fini? Eh les gamins, vous avez pas fini? Fini. Je refais ou pas? Mais arrête de me poser des questions, putain. Eh les gamins, vous avez pas fini? Vous avez pas fini? Chut. T'as pas fini de jouer avec le micro de la bibliothèque, Kwam? T'as pas fini de jouer avec le biberon. Chut, chut. T'as pas fini de jouer avec le micro de la bibliothèque, Sam? Oh mon dieu. Je sais pas d'où ça vient. Je connais même pas de Sam. Allez, Sam. Oh mon dieu. T'as pas fini de jouer avec le... Oh, c'est dur. Chut. T'as pas fini de jouer avec le... Putain, c'est pas possible. T'as pas fini de jouer avec le micro de la bibliothèque, Kwam? Non, c'était Sam. Donc je disais, vous avez quel âge pour vous disputer ainsi? Donc je disais, vous avez quel âge pour vous disputer ainsi? Vous pouvez pas vous calmer 2 minutes, non? Tu parles, pleurnicha 1 et pleurnicha sur un bateau. Tu parles, pleurnicheur 1 et pleurnicheur 2. Pleurnicheur. Je suis le pleurnicheur. Tu parles, pleurnicheur 1 et pleurnicheur 2. Le roi d'Angleterre. Pleurnicheur 1. Pleurnicheur 1 et pleurnicheur 2. Putain, j'allais vraiment dire censure 1. Pleurnichard 1 et Pleurnichard 2 se battent... Putain, c'est pas possible. Tu parles, Pleurnichard 1 et Pleurnichard... Mais c'est trop drôle comme mot. Pleurnichard 1 et Pleurnichard 2, ici présents, se battent pour un bouquin. Ah, c'était dur, hein. Putain, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi le souci? Et c'est quoi le souci? Et c'est quoi le souci? Je vais très bien, moi. Je vais très bien, moi. Je vais très bien, moi. S'il y a plus de gens, je dis pas non. S'il y a plus de gens, je dis pas non. Kwam, on sait tous que tu te trimbales avec ton Zoom H6. Kwam, on sait tous que tu te trimbales avec ton Zoom H6. On sait tous que tu te trimbales avec ton Zoom H6. On sait tous que tu te trimbales avec ton Zoom H6, Kwam, coquinou. Tu le sors devant tout le monde. Ça, c'est pas bien. Du calme, mon époux. Ça va, oui. Coucou, tu veux voir mon Zoom? Oui, Sam. Du calme, mon époux. Savourez donc votre victoire récente calmement. C'était parfait. En fait, avec tous les rires que t'as, tu pourras t'éclater. Hein, j'ai pas besoin de le faire. Faut pas lui dire maintenant, il aura sûrement enlevé les trucs d'avant. Du calme, mon époux. Savourez donc votre victoire. Votre victoire restante calmement. Du calme, mon époux. Savourez donc votre victoire. Savourez donc votre victoire récente calmement. Calmement. Calme-toi, connard. Mais du coup, tu fais vraiment pas le rire, t'en as rien Ah, à foutre, pardon. toi. Il va te détester mentalement. Voilà, j'espère que t'auras assez de rire. Ah bah voilà. C'était ma réplique suivante. Alors. Eh ben. Eh ben ben. C'est certain, mon époux. Nous possédons les meilleurs cuisiniers du royaume, après tout. Royaume, après tout. Nous possédons les meilleurs cuisiniers du royaume, après tout. Il y a un mec qui reluque mes boobs. Oh que oui, je suis si impatiente, voilà la putain de liaison de merde. Oh que oui, je suis si impatiente d'entendre une histoire venant des contrées éloignées. Fabuleux, fabuleux. Fabuleux. J'apprécie tout particulièrement l'histoire d'amour en trame de fond. J'apprécie tout particulièrement l'histoire d'amour en trame de fond. Je suis Bohort de Camelot. Voilà. Mais enfin, que vous arrive-t-il tout à coup, mon époux ? Vous semblez aigri. Vous semblez gras. Vous semblez gras. Mais enfin, que vous arrive-t-il ? Mais enfin, que vous arrive-t-il tout à coup, mon époux ? Vous semblez aigri. Connard. Calmez-vous, mon cher. L'histoire ne vous a pas plu ? Même pas la partie romantique. Oh, que cela m'a rappelé notre rencontre. Rencontre. Calmez-vous, mon cher. L'histoire ne vous a pas plu ? Même pas la partie romantique ? Oh, que cela m'a rappelé notre rencontre. Je le sais bien, mon tendre. Avouez quand même que cette histoire était tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Qu'avez-vous dit, mon amour ? C'est impossible. C'est impossible. Mais si, c'est possible. Avec la carte qui est oui. Il a enfin de moins de 16 ans. Qu'est-ce qu'il a pour conclure ? Et voilà, et voilà. Ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes paye tous moitié prix. Un enfant, une carte kiwi, et on voyage à moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes paye tous moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si. Qu'avez-vous dit, mon amour ? Bah, j'ai dit, mais si, c'est possible. C'est impossible. C'est impossible. Mais si. C'est impossible. C'est impossible. Mon époux. Vous êtes sérieux? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Digne des feux de l'amour. Avoc. Avoc. Mais vous ne pouvez pas, vous. Vous n'êtes qu'un infâme malotru. Moi qui croyais que vous m'aimiez. Ça va? Je refais? Non, non. Sale goujat! J'ai jamais aimé ça de toute façon. J'ai jamais aimé ça de toute façon. 15 ans. 15 ans que je couche avec vous. Sale vermine, salopio, fils de catin. Fils de catin. Je peux me permettre, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est horrible. Oh mon Dieu, celui qui reluquait mes boobs est mort. C'est horrible. Oh non, c'est pas crédible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Je sais pas comment le faire. Bah, fais le mal comme tu faisais là. Ok. C'est horrible. C'est horrible. Oh putain, il est mort le con. Quel gâchis, mais quel gâchis. époux. Cessez donc cette cérémonie idiote. Mon époux, cessez donc cette cérémonie idiote. Fais des bruits de bouche, hein, comme ça t'en auras. Mon époux, si vous mourrez au combat, je vous tue. Mais enfin, ne voyez-vous pas que ce pauvre conseiller tente désespérément d'éviter toute cette nourriture ? Ça va, ou je... Mais enfin, ne voyez-vous pas que ce pauvre conseiller tente désespérément d'éviter toute cette nourriture ? Enfin ! Voilà enfin une solution diplomatique correcte, mon époux. Enfin ! Voilà enfin une solution diplomatique correcte, mon époux. Ouais, pour merde, mieux. Hein. Je suis encore avec mon bout de pain dans la bouche. Je suis tellement heureuse de voir que tout cela se finit dans la paix. Oh, je suis tellement heureuse de voir que tout cela se finit dans la paix. Dans le paix. Vous êtes toujours aussi gras, vous. Hey. Oh non. C'est bon, la tarte. Ouais, grave. C'est un peu sec. Ah ça, vous n'aviez qu'à pas perdre lors de la bataille de l'indépendance. Ah ça, vous n'aviez qu'à pas perdre lors de la bataille de l'indépendance. Ça va ou... Eh ben... Non, j'ai pas fait. Eh ben, c'était marrant. T'as pas fait le rire ? Je sais pas... Mais si, j'ai fait. Ah d'accord. Non. Eh bien, c'était marrant. Eh bien, c'était marrant. Eh bien, c'était marrant. C'était drôle, ma foi. Et... Alors... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est bon, on a entendu. Pourquoi t'as tout le temps des hu-hu-hu, toi ? Parce que je suis comme ça. Et voilà, c'est fini.